Il y en aura un peu pour tous les goûts demain, temps variable avec des risques d'averses du nord jusqu'au centre. En cours de matinée, ça se couvrira plus franchement par la Bretagne avec l'arrivée d'une perturbation faiblement pluvieuse. Elle se décalera vers le nord-est en cours de journée, alors que des éclaircies entrecoupées d'averses toujours reviendront après son passage. Du nord de l'Aquitaine à l'est du Massif central, le temps sera variable également, mais il ne devrait pas pleuvoir. Sur le reste du pays, la grisaille et l'humidité domineront encore. Quelques éclaircies se développeront sur le littoral méditerranéen. Les températures du matin seront en baisse, autour de 0 à Aurillac, 2 degrés en général sur la moitié nord et de 5 à 7 degrés au sud. Demain après-midi, il fera relativement frais, 6 à 9 degrés sur les trois quarts de la France. Darty, le contrat de confiance.